Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science, épisode numéro 7. Un épisode quelque peu accidenté, n'est-ce pas, professeur Fun ? Oui, tout à fait, un épisode qui revient de loin, on espère qu'il va arriver au bout d'ailleurs. On a eu des petites coupures, parce que généralement on enregistre le jeudi soir les épisodes, et hier soir, quand on a fait l'enregistrement, on avait des problèmes de communication, la communication se coupait. Donc là, ça a l'air d'aller un peu mieux, donc croisons les doigts, on espère qu'on ne va pas avoir de coupure. Ouais, en tout cas, bah voilà, on vient de faire les 30 premières secondes sans coupure, c'est déjà un très bon signe par rapport à nos tentatives d'hier. Magnifique. Alors écoute, moi, je voulais commencer pour revenir sur ce dont tu nous avais parlé la semaine passée. Tu nous avais parlé d'une exoplanète Gliese 581G. Ouais, une exoplanète Zermina. Voilà, qui semblerait qu'elle pourrait abriter les conditions nécessaires à la vie. Et on avait aussi dit qu'il y avait un supposé signal qui ressemblerait à un laser qui serait venu, enfin qu'on aurait reçu de la région de l'espace dans laquelle se trouvait cette exoplanète en décembre 2008. Mm-hmm. Et il y a un journaliste qui s'est demandé un peu les sources de d'où ça venait, tout ça. Donc il a décidé de contacter le scientifique qui a découvert ce signal. Il lui a envoyé un email pour lui demander si ce signal venait bien de cette planète. Et le scientifique lui a répondu que oui, ils avaient découvert un signal qui ressemblait à un laser, mais pas du tout en provenance de la région de l'espace dans laquelle se trouvait cette exoplanète, mais d'une autre région de l'espace qui s'appelle Tucanae. Donc rien à voir. On s'est emballé un peu vite là sur ce signal. Bon, évidemment, il y a tous les fantasmes qui sont lancés à partir de là. Une exoplanète qui peut abriter la vie, un signal qui vient de la même région. Mais d'autre part, ils ont aussi, en fait, l'équipe qui a détecté cette exoplanète, c'est une équipe d'un professeur qui s'appelle Stephen Vogt. Ils ont fait leurs recherches dans l'observatoire de Keck à Hawaï, et les données qu'ils ont analysées ont aussi été transmises à l'observatoire de ARPS au Chili. Et les scientifiques là, ils ont aussi analysé ces données, et eux, ils disent qu'on ne peut pas confirmer l'existence de cette exoplanète à partir des données qu'on a, parce qu'il y a des marges d'erreur de détection qui sont très, très énormes, enfin très énormes, très grandes, et ils ne peuvent pas confirmer l'existence de cette exoplanète. Donc voilà, on s'est peut-être emballé un petit peu vite sur ce sujet. Ouais, bah, sur toute ce la sujet. Planète s'est emballée un peu vite. Nous aussi, voilà sans doute la différence entre un bon journaliste et un podcasteur amateur. Non, mais c'est bien. Mais nous, justement, dans le podcast, on va justement avoir l'occasion de reprendre s'il y a des news qui sont en relation avec quelque chose dont on avait parlé, qui vont dans un sens ou dans un autre. Et ben, ce sera l'occasion de les reprendre et de réajuster le tir si nécessaire. Exactement, ouais. Bah, tir corrigé, donc on s'est tous emballés un peu vite pour Zermina. Maintenant, il faut qu'on attende de voir que les résultats soient éventuellement validés ou pas du tout. On verra ces prochaines, à suivre, hein. On verra ces prochaines semaines. Si on a du nouveau, on en reparlera. Ouais, bah écoute, merci d'avoir apporté cette contribution à la réhabilitation de la vérité. Ça fait plaisir. Moi, cette semaine, je vais parler de quelque chose de beaucoup plus terrestre, de beaucoup plus concret, plus palpable. Je vais parler du graphène. Donc, le graphène, ça te dit sûrement quelque chose. Tout le monde en parle depuis une semaine. Oh, même bien avant, ça fait déjà quelques temps que j'en entends parler du graphène. Surtout dans les nanotechnologies, tout ça. Un sujet qui m'intéresse. Exactement, ouais. Je pense que je suis assis là-dessus, quoi, d'ailleurs. Ouais, on en parle depuis 2004 en fait. C'est là qu'il a été découvert par André Geim du département physique de l'université de Manchester. Mais c'est cette année qu'il a reçu le prix Nobel de physique avec Konstantin Novoselov pour cette découverte. Donc c'est pour ça qu'on en parle énormément ces derniers jours, jusque dans le grand public, quoi. Alors qu'autrement c'est plutôt confiné dans les sphères un peu scientifique. Alors, si on consulte la page Wikipédia qui parle du graphène, ce qu'on peut y dire, c'est que c'est un cristal bidimensionnel, donc monoplan, de carbone, dont l'empilement constitue le graphite. Un cristal bidimensionnel, c'est pas franchement parlant a priori, ça mérite qu'on regarde ça d'un peu plus près. Parce que le graphène a tellement de potentiel qu'il rappelle un peu le laser au début des années 60. On tenait à l'époque une technologie géniale, mais dont on ne savait encore pas trop quoi faire. C'était comme une solution qui attendait son problème. Bah, les problèmes, on a fini par en trouver depuis. Les problèmes à résoudre pour le laser, des imprimantes à la chirurgie ophtalmique, en passant par les lecteurs CD, DVD, les télescopes, la fusion nucléaire contrôlée, même l'épilation ou les antimissiles, les mesures de distance. Bref, franchement, on pas aujourd'hui comment on ferait pour se passer du laser. D'ailleurs, à cet égard, je recommande le premier épisode du podcast vidéo C'est pas faux de notre ami Antoine qui traitait justement de ce sujet un peu sous tous les angles. Donc, bon, si je reviens au graphène qui lui aussi est sans doute promis à un avenir tout aussi brillant que le laser, il est fait de carbone, le graphène. Donc, le carbone, c'est le matériau de construction de la vie sur Terre, entre autres. On est tous faits de carbone. C'est le matériau qui constitue le diamant également, le charbon entre autres, et puis notamment le graphite. Le graphite, c'est ce minéral qu'on trouve dans les crayons, combiné avec de l'argile. C'est la mine en fait. La mine de crayon, c'est du graphite. Ben, quand on découpe ce graphite en tranches super fines, en tranches épaisses d'un atome seulement, eh bien c'est ça qu'on appelle le graphène. D'accord. Cristal. Parce que le graphène est tellement fin qu'il n'a qu'une largeur et une hauteur, il n'y a pas de profondeur. C'est assez génial, ça en fait le matériau le plus fin et le plus solide qu'on connaisse sur Terre. Au microscope, en plus, c'est super beau à voir, parce que les atomes de carbone sont reliés entre eux selon un motif hexagonal qui rappelle les alvéoles des ruches. On mettra la photo dans le dossier sur le site, c'est vraiment magnifique. On reprend un peu avec une autre technologie. Je crois qu'on a eu quelques petits soucis, quelques petites coupures. On vient de switcher de Skype sur Google Talk pour continuer le dossier. J'étais en train de dire donc que ça rappelle les alvéoles des ruches. T'es toujours là, Mathieu? Oui, je suis là, je t'écoute. Oui, non, non, c'est vrai que j'ai pas parlé. T'aurais pu croire qu'on avait de nouveau une coupure, Ouais, mais non, j'ai non, eu je suis là, peur. je t'écoute. J'ai eu une petite frayeur. Et puis donc, c'est magnifique, quoi, cette structure alvéolaire du graphène. On mettra une photo dans la page du dossier sur le site. Et puis, alors, le truc rigolo dans l'affaire, c'est que pour obtenir ces tranches super fines, André Geim a utilisé un bête rouleau de scotch. C'est incroyable, non? Donc, le graphène n'est pas le résultat d'une synthèse chimique. Il existe dans la nature, c'est du bête carbone. Mais ça, pour l'obtenir, on a dû séparer des millions de couches qui constituent le graphite. Alors on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres moyens de l'obtenir, mais à l'époque de la découverte en 2004, on ne le savait pas. Et donc c'est équipé d'un bête bout de morceaux de graphite, donc de mine de crayon et d'un rouleau de scotch qu'ils ont fait cette découverte. Ils se sont aperçus que les couches scotchées étaient parfois épaisses d'un atome seulement. Et ils venaient de découvrir le graphène, ce matériau incroyable qui fait rêver les scientifiques et les industriels, parce qu'il pourrait tout bonnement révolutionner l'électronique et l'informatique. Donc, ses caractéristiques en quelques mots. Tout d'abord, le graphène est incroyablement résistant, 100 fois plus résistant que l'acier, mais tout en étant flexible. Il est souple, il peut se déformer, reprendre sa forme originale comme un élastique. D'autre part, le graphène est totalement transparent. Et accessoirement, c'est un excellent conducteur d'électricité, 1 million de fois plus efficace que le cuivre, selon André Geim. Les électrons s'y déplacent allègrement à la vitesse de la lumière. En plus, c'est un excellent conducteur thermique. Et puis, enfin, il s'agit non seulement du seul matériau bidimensionnel qu'on connaisse, donc le plus fin, mais également du plus léger. 1 gramme de graphène suffirait à couvrir plusieurs terrains de football. Bon, encore faut-il trouver une bonne raison de couvrir de graphène des terrains de foot. Ben, écoute, moi j'ai entendu parler récemment que le graphène était aussi excellent pour capturer et concentrer l'énergie de la lumière, et ça pourrait avoir une utilité pour les cellules solaires, augmenter le rendement des cellules solaires. Ouais, bah effectivement, les utilités qu'on peut en trouver sont vraiment nombreuses et puis hallucinantes, quoi. Un écran transparent, super résistant, étirable, conducteur de chaleur, conducteur d'électricité, on comprend que ça fasse rêver. On peut imaginer des appareils électroniques souples et déformables, par exemple. On peut imaginer, bien sûr, des écrans tactiles, voire des écrans tactiles transparents, géants, à la Minority Report. Je ne sais pas si tu te rappelles ce film Ouais. fabuleux où ils déplaçaient des trucs à l'écran juste en bougeant les mains. On y arrive, on y arrive Ah gentiment. ouais, là, on est tout près, ouais. Des cellules solaires, comme tu viens de le dire, des téléviseurs muraux qui pourraient être plus fins qu'une couche de peinture. Et puis, bah, accessoirement, il y a un autre effet, les atomes de carbone étant plus fins que le silicone, ça veut dire aussi qu'on va pouvoir accélérer encore la miniaturisation des composants électroniques de manière totalement impressionnante. Je crois qu'on est déjà en train de développer des transistors au graphène qui ont des vitesses de l'ordre de 300 GHz, je crois. Donc c'est assez prometteur aussi en termes d'électronique pour ordinateur. Ouais, on a pas fini d'en voir. Et puis, tiens, un autre truc rigolo, une autre propriété assez remarquable du graphène, c'est que si on en ajoute ne serait-ce qu'un pour cent dans la composition du plastique, alors le plastique à son tour devient aussi conducteur d'électricité. Et avec moins d'un pour cent de graphène, on peut rendre le plastique plus résistant à la chaleur et plus solide. Il n'y a pas qu'au niveau, au niveau de l'électronique high-tech que ça va pouvoir apporter des changements. Mais on a un peu des dates sur quand vont apparaître pour le grand public des produits à base de graphène, comme des écrans graphène ou des choses comme ça. Alors, tous les commentaires que j'ai entendus parlent d'une industrialisation massive qui arrivera jusque dans nos maisons d'ici 10 à 20 ans. C'est encore un Ah, peu, ouais, quand même. c'est flou, il y a de la marge. Ouais. Un autre truc qui est intéressant aussi avec le graphène, une autre application à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que c'est du carbone absolument pur. Donc, on met n'importe quel atome d'une autre matière à sa surface, et évidemment on remarque immédiatement la différence par contraste. Du coup, on peut imaginer se servir du graphène au niveau de détecteurs ou de senseurs qui pourraient détecter la plus petite particule de pollution, par exemple. Donc voilà, quoi, une découverte absolument géniale qui va tout changer ces prochaines années, et puis l'industrie évidemment s'y intéresse de très près. Je pense que dans 10 ans déjà, on se demandera comment on a pu se débrouiller aussi longtemps sans graphène et comment on ferait sans. Ouais, je pense qu'on risque d'en reparler sur Podcast Science, parce que moi, ça fait déjà quelques temps que j'en entends parler, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là autour du graphène, donc Ouais, il y a absolument plein de probablement trucs. on va en reparler. Je vais juste encore dire un dernier mot au sujet de son découvreur, André Geim, qui en fait s'était déjà rendu célèbre il y a 10 ans avec d'autres de ses travaux qui avaient été médiatisés et sanctionnés par un prix Ig Nobel. Tu vois ce que c'est, les prix Ig Nobel? C'est pour les découvertes qui servent un peu à rien, ou bien? Ouais, c'est exactement ça. C'est une parodie du prix Nobel aux États-Unis qui récompense des recherches, alors qui respectent la démarche scientifique, c'est quand même important. Les protocoles sont rigoureux, sont vérifiés, etc. Mais alors, c'est des découvertes totalement inutiles ou crades ou ridicules. Et puis, le professeur Geim avait été récompensé il y a 10 ans pour avoir fait léviter des grenouilles à l'aide de puissants aimants géants. C'est beau, non? Certains sont prêts à tout pour faire avancer la science. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le graphène, ça? Alors, rien du tout. Rien Ah, du rien tout. du tout. Le Ah, mais point commun. c'est la même personne, en Exactement, fait. le point commun, D'accord. c'est le Mais le scientifique fait de qui est derrière léviter lui. les grenouilles, le graphène n'intervient pas du tout là-dedans, non? Non, pas encore. On D'accord. peut imaginer des extensions, une fusion des deux expériences. D'accord. Voilà. Ben écoute, parfait, ouais, super le graphène. Moi aujourd'hui, je voulais parler alors d'autres choses, des macaques et en l'occurrence des macaques qui peuvent se reconnaître dans le miroir. Ok. Alors généralement, on sait que généralement les singes ils savent pas à quoi servent les miroirs. Ils pensent que l'image qu'ils voient dans le miroir est celle d'un autre singe. Ils se reconnaissent pas quand ils se voient refléter. Sauf dans certains cas de grands primates comme les chimpanzés, les orang-outans, les gorilles, qui sembleraient auraient une sorte de distinction cognitive qui les séparerait, eux, les grands primates, qui sont finalement nos parents les plus proches, du reste de la lignée des primates et des singes. Ouais, tu D'accord? te rappelles, on en parlait déjà dans le dossier sur les bonobos. Sur les bonobos, ouais. En fait, c'est les hominidés, quoi, c'est nos cousins directs, on fait effectivement partie de la même famille. Tout à fait, ouais. Et en fait, on voit que depuis les années 70 ou 70 pour nos voisins, les éthologistes, donc les scientifiques qui étudient le comportement des animaux, tentent de vérifier la conscience que les animaux ont d'eux-mêmes. Et pour ce faire, ils réalisent le fameux test du miroir. Et typiquement, ce qu'on fait dans ce test du miroir, c'est on fait des taches sur le pelage des animaux au niveau de leur visage. Donc des taches qui, pour les animaux, c'est impossible de les visualiser directement. Mais lorsqu'ils se voient dans le miroir, certains animaux peuvent ce qu'ils font, c'est que des fois, ils touchent la tache, mais ils essayent aussi même des fois de l'effacer. Donc ça montre bien que certains animaux savent non seulement que la tache est sur leur propre corps, mais aussi qu'elle leur est étrangère. En fait, ils savent que le miroir montre leur propre reflet et pas celui d'un autre animal. Ouais, donc ils ont une conscience d'eux-mêmes. Voilà, mais il y a des autres animaux justement qui n'ont pas une conscience d'eux-mêmes aussi importante et qui ont plutôt tendance à essayer de chercher l'animal qu'ils voient dans le miroir, mais de le chercher derrière le miroir. Donc il y a tout un certain nombre de grands primates, comme j'ai dit, il y a aussi les éléphants, les dauphins, qui réussissent très bien cette tête du miroir. Mais il y a d'autres animaux, comme par exemple le porc. Alors là, c'est assez particulier avec le porc parce que lui, bon, évidemment, des taches sur son corps, il réagit pas du tout. Il a assez tendance à attaquer son reflet dans un miroir. Mais pourtant, s'il voit de la nourriture cachée, reflétée dans un miroir, là, il la trouve. Ah ouais, excellent. Donc il n'est pas non plus complètement indifférent au miroir, tu vois. Ouais, donc il comprend que, enfin, il comprend la notion d'image miroir, mais par contre, Lui, non. ouais, lui, il s'en fout. Ouais, c'est Ouais. intéressant. Puis, en fait, aujourd'hui, je voudrais parler un peu plus précisément d'un type d'animal qui sont les macaques rhésus, un type de singe. Parce qu'on pensait jusqu'alors que les macaques rhésus n'avaient pas la conscience d'eux-mêmes, parce que le test du miroir, ils n'arrivaient pas à le passer. Et en plus, des expériences avaient montré qu'ils répondaient d'une manière socialement, qu'ils répondaient socialement avec agressivité ou peur vis-à-vis de l'image dans le miroir, et ceci même après une longue exposition. Et des chercheurs de l'université du Wisconsin-Madison aux États-Unis, ils ont réalisé un certain nombre de travaux et ils ont remarqué que dans certaines conditions, les macaques rhésus sont aussi capables de se reconnaître dans les miroirs. Ils ont observé, mais d'une manière complètement par hasard, que deux macaques dans lesquels on avait mis un implant dans le cerveau pour une autre étude, donc rien à voir, c'était pour mesurer des paramètres électrophysiologiques, mais une autre étude qui avait rien à voir. Ben, ces deux macaques qui avaient un implant dans le cerveau, ils montraient des signes de comportement autodirigé face à un miroir. Donc ça a surpris ces chercheurs. Alors ce qu'ils ont fait, ces chercheurs, ils ont pris un autre groupe de macaques, ce qu'ils ont fait, ils les ont mis en présence de grands et de petits miroirs. Ils ont couvert certains de ces miroirs d'un plastique opaque et d'autres non. Ils ont fait un enregistrement vidéo et cet enregistrement vidéo, il a permis de comptabiliser deux choses. D'une part, le nombre de regards qu'ont fait les macaques dans les miroirs, et le temps total passé à les regarder. Et les résultats montrent une augmentation des deux paramètres lorsque le miroir est visible. Donc, ça indique que le miroir non opaque n'est pas considéré par les singes comme un simple objet. D'accord? D'accord. Et de plus, les macaques rhésus, dans lesquels on avait mis un implant, utilisent le miroir pour regarder des zones de leur corps qu'ils ne peuvent pas observer directement. Comme par exemple, ils regardent ce qu'ils ont sur la tête. La blessure due à l'implant, ils la touchent avec leurs mains, ils la regardent. Ils regardent aussi leur partie génitale de derrière, qu'ils n'arrivent pas à voir quand ils sont de face. Ils touchent leur corps davantage. Il y a même certains macaques qui arrivent à ajuster le miroir pour se regarder sous un autre angle. Donc ça indique bien que le reflet leur est utile. Ouais. Et chez ces macaques-là, donc qui réagissent face au miroir, enfin qui se reconnaissent dans le miroir, la quasi-absence de comportements sociaux, on voit aussi qu'il y a une absence de comportements sociaux, donc de type agression ou soumission. Vis-à-vis du Donc c'est miroir. vis-à-vis du miroir, ouais, ou de D'accord. l'animal qui pourrait voir dans Ouais. le miroir, dans le reflet. Donc ça, c'est aussi une indication qui permet de montrer que les macaques, ouais, ne voient pas un congénère, en fait, dans le miroir. Mais étrangement, les macaques qui ne possèdent pas l'implant n'ont pas montré des signes d'intérêt pour le miroir. Donc la blessure à la tête serait donc une sorte de stimulant, la blessure due à l'implant, qui constituerait une sorte de super tâche qui les aiderait à s'identifier. Donc, cette découverte, elle remet un peu en doute le test du miroir. Parce qu'avec le test du miroir, on avait établi qu'il y avait une sorte d'existence d'une division cognitive assez bien marquée entre les grands primates et le reste de la lignée. Et ça a des implications sur la compréhension de l'évolution de l'autoreconnaissance et de la conscience de soi. Parce que les animaux qui ont la conscience de soi, ils reconnaissent les frontières qui les séparent eux-mêmes du monde physique. Et ça amène une nouvelle idée en primatologie qui est, au lieu de penser en division forte entre les primates de type chimpanzé ou orang-outan qui arrivent à se reconnaître à un miroir, et les autres, au lieu de mettre une division forte, en fait, il semblerait que la conscience de soi et l'autoreconnaissance de soi a évolué d'une manière beaucoup plus continue le long de l'évolution. On pourrait la trouver dans différentes formes et dans différents endroits dans tout l'arbre de l'évolution. Donc il n'y a plus une séparation aussi marquée. Il semblerait que ce soit beaucoup plus continu. Et pour terminer, juste une chose de plus sur ces macaques rhésus qui est aussi intéressante, c'est qu'ils savent faire des additions. Donc là, ça n'a rien à voir avec le miroir, mais j'ai trouvé marrant parce que. Si on leur présente deux ensembles de points qui sont montrés successivement durant une demi-seconde sur un écran, donc par exemple d'abord on montre 15 points durant une demi-seconde et après 10 points sur un écran, après on propose à ces singes deux sommes qui correspondent à ces deux ensembles de points, et une des sommes est juste et l'autre est fausse. Et on demande aux singes de toucher du doigt un écran tactile la réponse correcte. Et s'il répond juste, on lui donne une friandise. On voit qu'il y a des résultats étonnants parce que soumis à ce test, les macaques ont obtenu 76% de réussite. Et les étudiants, donc à qui on a fait le même test, ils ont obtenu 94% de réussite. D'accord. Mais bon, il y a quand même une différence parce que les étudiants effectuaient un calcul mental pour faire l'addition, alors que les animaux, ils opèrent différemment. Ils avaient Les chercheurs. droit au manuel. Ils avaient droit à Non, mais toute les la chercheurs, ils documentation. parlent plus d'une représentation un peu analogique, c'est-à-dire que les animaux confondront des représentations de 100 et 101 objets ou 100 et 101 points, alors qu'ils établiront plus facilement que 10 est plus grand que 5. D'accord. Mais on voit aussi que les singes et les étudiants s'octroyaient les deux des temps de réflexion assez comparables, en fait, d'environ une seconde avant de répondre à trouver la somme correcte. Ouais, ça. Donc voilà pour ces macaques rhésus, quoi. Ouais, moi ça Ils sont. m'intrigue cette histoire d'addition. Tu sais comment on a fait pour leur proposer des sommes? Oui, on leur mettait sur un écran. On Ouais, mettait mais les deux sommes sur concrètement, un écran comment? tactile. Comment ça concrètement? Ben ouais, comment est-ce qu'elles étaient représentées ces sommes? Enfin, Par c'était des pas. points. C'était des points, en fait. C'est des points. C'est-à-dire, on leur proposait d'abord un certain nombre de points, par exemple 10. Après, un Donc on autre leur nombre de points montrait 15. sur une feuille? Sur un écran tactile, sur un Aussi sur un écran. écran tactile, d'accord. Donc Ouais, dans les deux cas, tout sur un sur un écran écran. tactile, d'accord? Mais d'ailleurs, dans l'article qui parle de ça, il y a une image, on pourra la mettre sur le site. Mais ce Ouais. qu'on fait, c'est qu'on présente successivement sur un écran un ensemble de points, après un autre, et après on propose deux sommes qui correspondent à la somme de ces deux ensembles de points. Une D'accord, somme est ok, juste j'ai et une bien somme est capté. fausse. Ouais, ok, ça marche. D'accord? Alors, si la différence entre ces deux sommes est suffisamment grande, le macaque arrivera à détecter la différence. Mais si on lui propose une somme, par exemple, 35 et l'autre 36, là, il va pas trouver. Mais si on propose 30 et 45, par exemple, là, il verra qu'il y a un nombre de points qui est plus faible ou plus grand dans une des sommes, et visuellement, il arrivera à faire son choix. Ah, super intéressant. Je me réjouis de voir cette photo. Ah, Ouais, d'ailleurs, on la pendant que mettra. tu parlais, voilà, je suis allé cliquer sur ton lien, j'ai vu. Ouais, je vois bien maintenant, je comprends mieux. Bah, c'est excellent. Donc, ils sont capables d'addition. C'est beau. Ouais. Ils ont la conscience d'eux-mêmes, ils sont capables d'addition. Bon, dans une certaine mesure, mais pas mal, quoi, pas mal, hein. Ouais, super intéressant, effectivement. Ouais. Alors, bah voilà pour les deux petites news d'aujourd'hui. C'était sympa. Un petit peu accidenté, ce podcast, mais Ouais, je crois que complètement. là, J'ai avec aucune GT. idée du temps qu'on a consommé jusqu'ici, d'ailleurs. Mais non, je pense que ça a été. On doit être peut-être un petit peu plus d'une demi-heure, mais pas trop. Bah, je vais terminer avec ma côte, non? Bah Comme oui, d'habitude. bah ouais. Attends, le grand moment que tout le monde attend. Alors, bah, la quote du jour, elle est d'un physicien de la NASA qui s'appelle Chris. Bon, il a un nom bizarre, Boschwitzen, je pense qu'on prononce comme ça. Et il a dit, de nos jours, on peut aller à Walmart. Donc Walmart, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ces grands Ouais, c'est les super supermarchés américains. marchés américains. Ouais. Donc de nos jours, on peut aller à Walmart et acheter des jouets qui fonctionnent mieux que les satellites d'il y a une vingtaine d'années. Donc c'est un peu vrai, quoi. Maintenant, on a des bijoux technologiques absolument incroyables qui dépassent en performance des satellites d'il y a encore quelques années. Ça, c'est Ouais, incroyable, quoi. non, mais c'est vrai, c'est totalement vrai, c'est incroyable quand tu vois là. la puissance de calcul de ce qu'on trimballe tous dans nos poches, quoi. Les téléphones et les smartphones, enfin ça Les se fait des smartphones, trucs. c'est incroyable, quoi. Ouais. C'est vraiment incroyable. Eh ben alors voilà pour Bah ouais, aujourd'hui. super, Écoute, excellent. On a de nouveau de quoi réfléchir pour une on a toujours semaine. la petite citation qui fait réfléchir pour la semaine d'après. C'est parfait. Bon, et puis je crois qu'on a fait une découverte en termes de technologie pour nos podcasts, là. Google, ça marche drôlement bien, On va peut-être switcher sur Google Talk. hein. Ouais, je Alors, pense. Ouais, ouais. je sais pas ce qui arrive à Skype, qui en général est d'une robustesse à toute épreuve, mais là, ça Ouais, fait plusieurs assez épisodes fiable, qui mais galère un peu c'est de vrai. peine, Bon, hein. ils ont sorti une nouvelle version, j'ai entendu, avec une intégration de Facebook. Là, on sort un peu du podcast science. Voilà, c'est Facebook qui a tout cassé. Mais peut-être pour le téléchargement, ils sont un peu surchargés. Moi, j'ai essayé d'installer, puis ils mettaient qu'il avait des problèmes de téléchargement. Donc, je sais pas s'ils ont des serveurs saturés, je sais pas. Enfin bon. Ouais, c'est possible. Et puis il y a des nouvelles versions qui sont sorties pour l'iPhone et pour Android la semaine dernière. Du coup, ça doit effectivement ça doit consommer à tout va. Ils sont peut-être un peu dépassés, les pauvres. Mais bon, bah heureusement qu'il y a Google, Ben comme voilà, souvent. Google nous sauve la vie. Voilà, merci Google. Ok. Ok, très bien. Bah écoute, professeur Fun, bon week-end et à la Bah semaine merci. prochaine À toi et aussi, au revoir Mathieu. à tout le Ouais. monde. J'espère qu'on n'aura pas de soucis la semaine prochaine, que tout se passera bien. Et puis on se réjouit de faire une émission de A à Z sans interruption. À tout bientôt. Allez, bon week-end à tout le Ciao, monde, au bonne revoir. semaine.